quand le valet de chambre de la vicomtesse annonça M. Eugène de Rastignac, il fit tressaillir de joie le marquis d'Ayuda Pinto. Sachez-le bien, une femme aimante est encore plus ingénieuse à se créer des doutes qu'elle n'est habile à varier le plaisir. Quand elle est sur le point d'être quittée, elle devine plus rapidement le sens d'un geste que le coursier de Virgile ne flaire les lointains corpuscules qui lui annonçaient l'amour. Aussi, comptez que Madame de Beauséant surprit ce tressaillement involontaire, léger, mais naïvement épouvantable. Eugène ignorait qu'on ne doit jamais se présenter chez qui que ce soit à Paris sans s'être fait conter par les amis de la maison l'histoire du mari, celle de la femme ou des enfants, afin de n'y commettre aucune de ces balourdises dont on dit pittoresquement en Pologne « attelez cinq bœufs à votre char », sans doute pour vous tirer du mauvais pas ou vous embourber. Si ces malheurs de la conversation n'ont encore aucun nom en France, on les suppose sans doute impossibles, par suite de l'énorme publicité qui obtiennent les médisances. Après s'être embourbé chez Madame de Resto, qui ne lui avait pas même laissé le temps d'atteler les cinq bœufs à son char, Eugène seul était capable de recommencer son métier de bouvier en se présentant chez Madame de Beauséant. Mais s'il avait horriblement gêné Madame de Resto et Monsieur de Trailles, il tirait d'embarras Monsieur d'Ayuda. « Adieu, » dit le Portugais, en s'empressant de gagner la porte, quand Eugène entra dans un petit salon coquet, gris et rose, où le luxe semblait n'être que de l'élégance. « Mais à ce soir, » dit Madame de Beauséant, en retournant la tête et jetant un regard au marquis, « n'allons-nous pas au bouffon ?»« Je ne le puis, » dit-il, en prenant le bouton de la porte.